Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. C'est votre rendez-vous hebdomadaire avec le rock progressif d'aujourd'hui. Un paquet de bons groupes là encore qui naissent et qui continuent aussi à faire de la bonne musique à travers les époques. On a quelques nouveautés pour vous ce soir. On parle également de spectacles qui s'en viennent et plein de bonne musique pour vous. Évidemment, dans les spectacles les plus proches là dans le rock progressif, c'est le 29 février. Steven Wilson, vous le connaissez, il était dans Porcupine Tree, mais il est maintenant avec sa carrière solo. Il a déjà réalisé 4 albums et puis il vient de sortir un mini intitulé 4.5, donc 4.5, c'est entre le 4e et le 5e, original comme idée. Il y a sur ça des pièces qui avaient été laissées de côté un peu dans les enregistrements des albums précédents, et également des parties qui sont enregistrées en spectacle, dont la pièce The Book of Regrets là, qu'on va écouter tantôt. Et puis dans cette pièce-là, ben, le vocal, la trame de fond du vocal est enregistrée en spectacle à Montréal au mois de juin 2013. Non, ça a été écrit en 2013 et puis au mois de juin 2015, voilà, à Montréal, il a pris une partie des voix pour faire cette pièce-là. Donc, ben, c'est un bon album. Moi, je trouve que c'est Steven Wilson, c'est un peu dans la même ambiance que Hand Cannot Erase. J'ai hâte de voir ce que ça va donner pour le prochain disque, mais en attendant, on va avoir cet album-là, des pièces de cet album-là, également l'intégrale de Hand Cannot Erase en spectacle, donc au Grand Théâtre le 29 février. Et ensuite, il y aura Steve Hackett qui est au Grand Théâtre aussi le 8 avril avec Acolyte to Wolf Light. Il y a évidemment le Festival Terra Incognita qui s'en vient bientôt au mois de mai, les 20, 21 et 22 mai. On vous en reparlera un peu plus tard dans l'émission. C'est à ne pas manquer. On a également Dream Theater le 16 avril au Théâtre Capitole, Stickman le 28 avril au Cercle. Ça fait déjà pas mal de bons spectacles, mais c'est pour Terra Incognita, comme vous le mentionnez la semaine dernière, il reste moins de 30 billets, peut-être une vingtaine de billets là, pour les spectacles du 20, 21 et 22 mai. Et le 20, c'est un hommage à Pink Floyd avec le vieux Pink Floyd, c'est à ne pas manquer. On y va donc en musique avec Steven Wilson. La nouveauté aussi ce soir, ben, c'est le groupe Hans. C'est un groupe des États-Unis. Leur plus récent album, Strangelet, date de 2008. Bruno en a fait jouer plus d'une fois là, à l'émission Strangelet. Là, ils viennent de faire un nouveau disque qui a été paru à la fin août 2015, intitulé Caviar Bobsled. C'est super bon, ça fait très fin 60, début 70. Il y a une sonorité un peu à la Beatles par endroit. On voit que c'est des musiciens qui ont débuté d'ailleurs dans les années 70, en 74, et leur premier album datait de 1996. Sur cet album-là, la pochette, c'est la même image que Harmonium, l'homme musicien, mais le fond est blanc. Pour ceux qui visualisent mieux avec les pochettes, là, donc le groupe Hans, ça sera juste après Steven Wilson, et on aura ensuite dans ce premier bloc-là la Fabrica del Assoluto, qu'on vous a fait découvrir la semaine dernière, dans la dernière demi-heure de l'émission. C'est je pense c'est le meilleur album d'Italien de 2015, ou dans les top 5, certainement, mais ça, on l'avait pas encore entendu. C'est vraiment surprenant. C'est sur l'étiquette Black Widow et c'est un album concept, un nouveau disque avec un nouvel album. C'est complètement génial. Mais tout d'abord, Steven Wilson. Taxi cab in London town. It's like watching TV with the sun turned down. 'Cause I can feel it. I've got a buzzing in my head when I'm on my way. I shopping malls. Street corners, they ignore their girlfriend's calls, 'cause they got plans now. And tonight they won't be home. Slip away. Looking out behind the curtains, fighting drunk, she barely seems to notice. And the gas fest starts to pass when the rain sets in. Stay.

Cette soirée vous est présentée par La Barberie. La Barberie participe depuis plus de 10 ans aux courses de canots à glace sur le fleuve Saint-Laurent. Nous avons suivi l'équipe de canots de La Barberie pendant la course de canots du carnaval. Un aperçu. Nous avons été surpris par les appels étranges lancés par leur capitaine. Les voici traversant les glaces. Et maintenant, en eau libre. Embrasse. Pour encourager l'équipe lors de la prochaine course, rendez-vous à Sorel-Tracy le samedi 27 février 2016 à 12h30 au 125 rue du Traversier. Embrasse pas juste de la bière, embrasse aussi le Saint-Laurent. CKRL, Québec. Sur les ondes de CKRL, effectivement, l'émission Terra Incognita, c'est Bruno et Marc avec vous depuis 30 minutes maintenant. J'espère que vous avez aimé cette 30 minutes de musique qui s'est terminée par un nouveau groupe italien. Ça s'est paru en 2015, La Fabbrica dell'Assoluto. Et c'est un album concept sur 1984, L'Ultimo Uomo d'Europa, donc le dernier homme d'Europe. 1984, on a entendu les trois premières pièces, je vous les prononcerai pas, c'est des titres qui sont très très longs. Et c'est un album, on en a fait jouer un premier extrait la semaine dernière, puis c'est un album qui, j'ai vu que ça faisait pas mal l'unanimité pour les meilleurs albums chroniqués pour 2015, puis ça a piqué mon attention, oui, attiré mon attention, voilà, piqué ma curiosité, et je regrette vraiment pas. C'est un excellent album. Il y a plusieurs courtes pièces qui s'enchaînent comme ça pour donner une œuvre unique qui fait beaucoup de clins d'œil au rock progressif des années 70. On voit les jeunes à l'intérieur avec des claviers analogiques et une pochette de King Crimson in the Wake of Poseidon. Donc, on sait ce qui les inspire. Juste avant, on avait eu Hans, donc c'est un groupe américain, un groupe du Texas qui avait débuté dans les années 70, qui avait réalisé un premier album en 96 et qui font un retour après 7 ans d'absence avec cet album intitulé Caviar Bobsled, et c'était la pièce The Last Song, et ça fait très fin années 60, début 70, beaucoup de clin d'œil, on dirait un peu aux Beatles. Il y a dans ça des flûtes, des violons, violoncelles, beaucoup de beaux arrangements de vocaux également. Donc dans Hans, un album que je vous recommande. On avait débuté avec Steven Wilson et son plus récent EP, Four and a Half, et la pièce My Book of Regrets. Et je le rappelle, donc le 29 février, ne manquez pas, Steven Wilson au Grand Théâtre de Québec. On y va avec un des groupes qui sera à la convention ou au Festival Terra Incognita 2016, le 22 mai prochain. Kinetic Element, c'est un groupe américain, et ils ont réalisé 2 disques. Leur premier disque m'avait pas mal intéressé, paru en 2009, j'aurai un extrait, la pièce The Ascent, et c'était l'album intitulé Powered by Light. J'ai bien hâte d'entendre ça. C'est des musiciens également qui ont beaucoup de vécu. Mike Visaggio est le claviériste et il aime les bons sons de clavier à l'ancienne comme on aime. Alors il y aura également Unreal City. C'est un peu dans le même genre que La Fabbrica dell'Assoluto. Unreal City, en spectacle de l'Italie, et Sylvan de l'Allemagne le 22 mai. Le 21 mai, il y a Inner Odyssey de Québec, Abel Gans du Royaume-Uni et RPVL de l'Allemagne. Et le vendredi soir, il y a un super show avec RPVL en hommage à Pink Floyd des années 60, fin 60. Alors, c'est à ne pas manquer au Centre d'art La Chapelle. On y va en musique avec Kinetic Element, donc tiré de leur premier album Powered by Light, la pièce The Ascent. On aura également Herba d'Amélie, qui est un autre de mes coups de cœur. Ça, c'est de l'Espagne, leur superbe album paru en 2015, Interiors. avec la pièce Ecstasy Terrenal. Et également, qu'est-ce qu'on aura comme suite? Une autre découverte de l'Italie, Homoloculus Res. Donc, ça aussi, ça sonne plus Canterbury. On dirait on pourrait faire un parallèle avec des Henry Cow un peu. Et ça aussi, c'est pas mal intéressant. Donc, on y va tout de suite en musique avec ce trio. Donc, Kinetic Element, Herba d'Amélie et Homoloculus Res. Thank you. persevere to keep inside a kindling, burning, roaring fire. I will surely, surely reach the crest, because my will has strength. A book about a man. I'll find a book that will tell me like nothing, nothing else can. Yes, I'll read the book. I'll find out what was the master plan. Yes, I'll read the book. I know it will tell me what I must know.

Le 26 février à midi, afin de souligner le mois de l'histoire des Noirs, Midi Jazz propose une rencontre entre Webster et Gilles Chaumel. Vous écoutez CKRL 89.1. Et oui, effectivement, l'émission Terra Incognita. Et en ce 20 février 2016, c'est Bruno Côté à la mise en onde, Marc Chaunet au choix musical. Et également, mais j'aime bien vous parler de ce qui a joué. Juste avant, c'était Argos. Je vous avais parlé de Homunculus Res, mais ça sera juste après cette intervention. Argos, leur plus récent album, c'est un groupe de l'Allemagne, Seasonal Affair, la pièce Divergence. Juste avant, il y avait de l'Espagne, Herba d'Amélie, tiré de Interiors, et on avait eu également des États-Unis, Kinetic Element, tiré de leur premier disque, la pièce The Ascent. Alors, on va poursuivre avec des Homunculus Res. Le titre de l'album, il est plutôt complexe, donc je me risquerai pas. La pièce Vesica Paisi, c'est un groupe qui... c'est un nouveau groupe italien, là. C'est paru en 2015 et... c'est plutôt dans, il y a beaucoup de style dans ça, mais c'est un peu Canterbury, il y a des références à Henry Cow, il y a des bouts, c'est plus jazzé, à la Weather Report, il y a plusieurs ambiances, là, c'est expérimental un peu, et mais pour ceux qui aiment être surpris, là, par un album, là, c'est un album intéressant. On ira donc avec cette pièce, ensuite on va enchaîner avec The Tea Club, tiré de leur plus récent, de l'album Grappling, la pièce Dr. Abraham, et on aura également la Curva di Lesmo de l'Italie. On ira plutôt avec Anecdoten, oui. Selon le temps qu'on a pour finir le bloc, ça sera plutôt avec Anecdoten et tiré de leur plus récent album. L'album Until All the Ghosts Are Gone. Oui. Un excellent disque également de Anecdoten de la Suède. Mais avant, on y va avec Homunculus Res et The Tea Club. Senti che vento dietro. from the bleached walls, please. I don't know how, I don't know why I've been such a fool, please. I wanna be away from here, away from the old guard. I don't know how, I don't know why I have the same dream every night. The same dream of recombination. Say, say, I wanna say goodbye to him, the maestro arachne. The parasites crawling up my leg. Say, say, I wanna say goodbye to them, the bastards and wenches. I see the same faces every day. Thank you. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. La Barberie participe depuis plus de 10 ans aux courses de canots à glace sur le fleuve Saint-Laurent. Nous avons suivi l'équipe de canots de La Barberie pendant la course de canots du carnaval. Un aperçu. Nous avons été surpris par les appels étranges lancés par leur capitaine. Les voici traversant les glaces. Et maintenant, en eau libre. Embrasse! Embrasse! Embrasse! Pour encourager l'équipe lors de la prochaine course, rendez-vous à Sorel-Tracy le samedi 27 février 2016 à 12h30 au 125 rue du Traversier. Embrasse pas juste de la bière, embrasse aussi le Saint-Laurent! CKRL. Mais de retour à Terra Incognita à Québec, oui, sur les ondes de CKRL. D'ailleurs, on est en campagne pré-radioton. Le radioton aura lieu la première semaine d'avril. Alors, faites un don en allant sur le site de CKRL et vous pouvez courez la chance de gagner un prix, mais en plus vous montrez votre appui pour votre station de radio qui vous fait jouer de la très bonne musique, du bon rock progressif, entre autres. On n'en entend pas partout quand même. Celle-là, c'était ce qui a joué juste avant la pause, Autostrada. C'est un groupe de l'Italie, c'est un groupe assez récent. Leur second album, Babylone, la pièce Preludio à Eclipse. Et juste avant, il y avait le groupe de la Suède Anecdoten, tiré de leur plus récent album Until All the Ghosts Are Gone. Et c'était la très belle pièce Our Days Are Numbered. Et on avait eu également des États-Unis, T-Club, leur plus récent album Dr. Abrams. C'est très spécial, ça nous fait vivre plein d'émotions. Il faut faire plusieurs écoutes, mais pour les plus aventureux, ça vaut la peine. C'est à conseiller. On poursuit avec un beau projet de Fabio Zuffanti réalisé l'an dernier, La Curva di Lesmo, avec également le claviériste Stefano Agnini et la pièce La Posa dei Morti. Ça, c'est ses concepts également. Très, très bon. Et on aura également Alco Frisbas de la France, et on aura également Nick Turner avec une pièce dans laquelle il y a, entre autres, puis ça fera une transition avec l'autoroute, sur laquelle il y a John Etheridge qui a joué avec Soft Machine, puis a déjà joué avec également dans Space Gypsy. Il y a également Billy Cobham à la batterie sur ça, sur la pièce Pulsar de Nick Turner. Mais tout d'abord, on y va en Italie, comme je vous disais, avec La Curva di Lesmo. Bestiale sei, leggero rapace di fuoco.